Stream. Équilibre dans les religions. Équilibre dans l'idéologie. Le respect comme équilibre. Il y a presque un siècle, la tragédie pro-tragédie a été conçue. Il y a presque un siècle, la lâcheté pro-lâcheté triomphait avant le retard des ajouts. Il y a presque un siècle, il a passé presque 10 ans d'extrémisme dur sans déchirer la racine. Équilibre dans la religion, équilibre dans l'idéologie, le respect comme équilibre. 20 ans se sont écoulés depuis les négociations, les vols et les attaques contre des étrangers plutôt que les lieux propres. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer la métaphore. Il est temps de mettre de côté les intérêts. Il est temps de mettre de côté la note. Il est temps de maintenir les pays et le développement. En tout cas, nous séparons l'étranger de ceux qui brûlent l'extrême et nous entendrons sûrement les feux. Stream. Équilibre dans les religions, équilibre dans l'idéologie, le respect comme équilibre. Jules César.